pas encore habillé, le crooner fait le point dans ce qui sert de loge un peu désabusé. Son habit de lumière n'éclaire plus très bien. Tous les jours faire le clown, c'est aussi un métier. Lorsqu'arrive son tour, il en impose encore des standards épuisés, des airs mis désimés, des chants de garantie intégrés au folklore, des mélodies faciles, des produits périmés. Manquant d'esprit d'équipe, il s'est vite isolé, ce qui lui fit défaut pour se renouveler. Alors comment faire face à tous ces outsiders qui l'enterrent avant l'heure avec leur air crâneux. La comptabilité des galas annulés occupe son temps libre dans les petits cafés, les hôtels bas de gamme et les taxis pressés, autant de ports d'attache qu'il ne veut pas quitter. Parfois tard dans la nuit, après son tour de chant, il est pris à partie par tous ses souvenirs. Dans sa tête résonnent encore les échos d'une vie d'ovation, de hurrahs, de bravo.